J'ai la best life que je barre dans la ville. Mal au crâne, du mal à dormir. Je mets le contact solo dans l'audio. Je fais plus confiance en personne pour tout dire. À 180 sur la A7. Trop de faux frères à double facette. Je crois en Dieu par le poids d'amulette. À la fuite ça guette, l'œil posé sur la lunette. Faut faire du blé, du coup je taf. L'ancien me conseille en tirant une taf. Faut arrêter de zoner. Pense au lias. 3h du matin, tarpentos, puis je dors hop. J'écoute plus trop les ondes, j'm'en bats les steaks, ami, qu'on fait ta vie. Ton casse, on va le faire, ce rien t'en fais pas. J'm'en bats les steaks, chi, quand j'fais mal vivre. J'converge à la best life, que j'barre dans la ville. Mal au crâne, du mal à dormir. J'mets le contact, solo dans l'audi. J'fais plus confiance en personne pour tout dire. J'vois la pleine lune et j'cogite à ma life. J'pars en barreau. J'converge à la best life, faut la best life et le disque de Roro. J'converge à la best life. Faut la best life, faut mettre bien les darons, m'en bats les reins de la Bentley. J'hésite à prendre de la Sky quand je tourne à Roll à Night. J'parle solo, dégueule sur le côté passager. Faut le Bercy, j'y pense depuis le berceau. Une fois que j'ai investi, j'pourrais prendre du Versace. Les mêmes arts, tout ça dans mon cerceau. J'prends des news de mes potos en sursis. Yo, c'est pour la MIFA qu'on le fait, yeah, yeah. J'suis un impatient acharné, il le faut. À la flemme, j'ai tiré un trait, yeah, yeah.